Vas-y. Ok, ok, c'est pour le point G. On rappe tous pour notre plaisir. F6, 7-7, F6, 91, grade du beat. GTA, t'as pas le mental, cousin. Ok, moi je prends mon plaisir quand je le vois chez les Treuzos. Quand les portes sont fermées, dans les poches j'ai le trousseau. Mon plaisir est enfermé dans la libération d'un dollar, dans la discrétion et la pudeur d'une femme qui porte le foulard. Moi je suis heureux quand j'écoute rigoler mon petit zinc, ou quand je t'accueille sous mon toit pour une gamelle et qu'on tisin. Mon plaisir s'épanouit dans tous les types de difficultés, dans l'apprentissage et voir mes rêves dans tes facultés. Moi je retrouve ma jouissance devant un bon plat africain, dans le chiffre 69 et quand une meuf me dit qu'on fracture. Soupique pas Baltazar a trouvé le point G dans son faussaire. Elle s'exerce dans le mental et c'est pas pour rien gros qu'on l'observe. J'étais à ta star sans que plus deviennent les principaux acteurs. Plaisir des acteurs c'est de prendre un sujet. J'ai retrouvé mon plaisir dans la rétine de l'amitié. Ça fait plaisir gros et si t'as faim je te donne la moitié. Aujourd'hui le plaisir se verra, on s'ouvrira. Et quand la porte s'ouvrira on s'affolera, ça suffira. C'est pour notre plaisir, rien pour ça on s'épaulera. Touchez pas le rap, on a que ça comme un pèlerin, Dieu m'appellera. Car aujourd'hui le plaisir se verra, on s'ouvrira. Et quand la porte s'ouvrira on s'affolera, ça suffira. C'est pour notre plaisir, rien pour ça on s'épaulera. Touchez pas le rap, on a que ça comme un pèlerin, Dieu m'appellera. J'trouve mon plaisir chez les potes comme Metz à stopper la tease. Quand la France pleure, ça met la Corse sous son gros pénalty. Quand ça bouge, de trois faire ça dans le coffre de la Golden. Plein d'essence, des paires de couilles, voilà Paname sur la course. Fais plaisir si la fiche de paye survit tout le mois. Des pièces, un chic en famille ou bien même encore chez soi. Quand ça tape les cartes, le foot en salle, l'été au mini-stade. Quand ça traîne en bas, transforme le petit muret en mini-bar. Fais plaisir si la pouca se balance du haut d'un toit. Qu'un keuf y passe à voir un jazz ou se trouver au bon endroit. Quand ça tape, PEL chez où ça enfile de trois. Passer la réso avec mes amis à l'anonymat. Me fait plaisir quand ça rap, traque un couplet à l'équipe du PS à Long Beach, sans scrupule, tout ça chopine. Ça fait plaisir quand je reçois un petit singe, mais d'encouragement. Que ça lâche pas, on a que ça de s'exprimer oralement. Aujourd'hui le plaisir se verra, on s'ouvrira. Et quand la porte s'ouvrira, on s'affolera, ça suffira. C'est pour notre plaisir, rien pour ça on s'épaulera. Touchez pas le rap, on a que ça comme un pèlerin, Dieu m'appellera. Car aujourd'hui le plaisir se verra, on s'ouvrira. Et quand la porte s'ouvrira, on s'affolera, ça suffira. C'est pour notre plaisir, rien pour ça on s'épaulera. Touchez pas le rap, on a que ça comme un pèlerin, Dieu m'appellera. Le plaisir je le ressens quand je suis face au microphone. Les métaphores, les mecs raffolent. En écrivant je me crois fort, je me sens bien avec les miens. Ou quand j'écris un 16, j'oublie tous mes créanciers. Mais moi j'ai peur que mon crayon cède, écrit au ciel avec plaisir. Comme devant un 90C. Moi j'ai trouvé le désir et goût à la vie qu'à travers des scènes. Alors je profite à 100% avec l'opédise. Je viens croquer le monde, mon rap avant que l'appétit. Et quand je vois que les petits n'ont plus de plaisir, le peuple ici nous publicie. On veut tous se nager dans l'or, y'a plus de piscine. Moi je voudrais la belle vie. Mélangeant plaisir et thunes, sans longer le passé rodu. Mélangeant plusieurs études, tu sais, ouais. Le plaisir ici se fait très rare. Et cousin profite à fond, nous on le fait sans fauter rap. Aujourd'hui le plaisir se verra, on s'ouvrira. Et quand la porte s'ouvrira, on s'affolera, ça suffira. C'est pour notre plaisir, rien pour ça on s'épaulera. Touchez pas le rap, on a que ça comme un pèlerin, Dieu m'appellera. Car aujourd'hui le plaisir se verra, on s'ouvrira. Et quand la porte s'ouvrira, on s'affolera, ça suffira. C'est pour notre plaisir, rien pour ça on s'épaulera. Touchez pas le rap, on a que ça comme un pèlerin, Dieu m'appellera.